c'est la morale d'un candide. La morale d'un candide. A priori, c'est une région de versants, de rivières, d'industrie et de religion. Je pars traversant la Bavière, soudain mes yeux s'offrent Prague et les soyeurs reliefs tchèques où des dindes et drogues se draguent. Où l'on coffre pour un chèque les contrebandes de Varsovie, les bandes de Kiev et d'Ukraine. Demande un avis, la mafia dans ce fief est reine. La loi de l'Omerta, le sud de la Russie, moi dans l'effroi de leurs états si rudes, je suis en sursis, sans parcimonie. Comme un homme errant passe l'Arménie sans harmonie, en somme arrive à Téhéran sur les rives de la mer Caspienne. Au nord de l'Iran jusqu'à la mort, combien soutiennent sans aucun remords un tyran, Afghanistan, Pakistan. Le combat de Massoud en bas des monts, résistant là où les ethnies se dessoudent. Mon cœur se blinde entre rancœur et frénésie, sous les heurts et les peurs passent l'Inde et l'archipel d'Indonésie. Les semelles défraîchies par le vieux continent, je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. Peu chétif, j'ai franchi les frontières de mon territoire. Affranchi, je blanchis quand se mêlent prière et victoire. Les semelles défraîchies par le vieux continent, je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. La foi presque sauve, j'avais l'âme d'un candide, maintenant le calme du fauve. La fresque n'a rien de splendide. La Papouasie, loin de Bali, ces hommes, ces tribus d'indigènes. Après l'Asie, c'est l'Australie, comme rebut des aborigènes. Des gens que l'on jette sans gêne, que l'on marginalise. C'est l'argent que l'on sacralise, c'est abject et moi j'analyse. Vu c'est l'océan Pacifique, ces archipels où chaque île est un scalpel. Sous une idylle spécifique, un paradis soporifique. Dans le rose et l'utopique, la thune irradie le typique. Les lacunes sont catastrophiques. Dans leurs lacunes, rien de grandiose, rien d'homérique. Je file en Amérique, mais au Chili j'ai plus grand chose. À Santiago, je rêve du Nord, avili par la pollution. Sans magot, défile à mort, États-Unis, seule solution. Valeureux mais démunis, je traverse le Costa Rica. Les averses, les désunis, les malheureux, etc. Ce lendemain sans arnica, je dépasse le Mexique. Ce gamin qu'on enterrera, il trépasse, j'en perds mon lexique. Les semelles défraîchies par le vieux continent, je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. Peu chétif, j'ai franchi les frontières de mon territoire. Affranchi, je blanchis quand se mêlent prière et victoire. Les semelles défraîchies par le vieux continent, je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. La foi presque sauve, j'avais l'âme d'un candide, maintenant le calme du fauve. La fresque n'a rien de splendide. Consciencieux dès mon arrivée, pour perspective le Texas. Sur les cieux, les yeux rivés, ma rétrospective me désaxe. Des invectives parlent d'anthrax. Est-ce de circonstance, leur détective avec prestance parle de guerre, hélas. Vers l'est je circule, c'est la Nouvelle-Orléans. Dans ce qu'il reste des véhicules, des personnes vivent dans le néant. Le glaçonne des rives du rêve américain. Je prends du recul, raisonne, le mien deviendra africain. Quoi qu'il adviendra, je parviens jusqu'au Sénégal. Comprends que tout est inégal, partout je suis dans de beaux draps. Je m'éprends d'humanitaire, ça s'écartèle sous des drapeaux. Rien d'immunitaire, des attelles sous la peau. Des corps pleins d'anomalies, le ventre immonde des biafrés. Me rends compte d'un monde balafré, j'ai pour décor la Somalie. La misère n'a pas de carrefour, l'agonie est totale. L'hexagone, un piédestal, je pars du désert du Darfour. Les semelles défraîchies, par le vieux continent. Je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. Peu chétif, j'ai franchi les frontières de mon territoire. Affranchi, je blanchis quand se mêlent prière et victoire. Les semelles défraîchies par le vieux continent. Je pars naïf, impertinent, mais parfois le feu rafraîchit. La foi presque sauve, j'avais l'âme d'un candide, maintenant le calme du fauve. La fresque n'a rien de splendide, rien de féerique. De mon itinéraire à travers le globe, je n'en retiens pas ces criques. J'ai des images funéraires, des cris au-dessus du lobe. L'Eldorado se fabrique et mon recul en sera les briques. J'ai vu la survie, la mort et la souffrance. Aujourd'hui sans remords, ma vie sera en France. La morale d'un candide.